ni cette heure, ni la suivante, ni le passé, ni le présent. Tu es tout et quelque chose de plus. Une tranche du ciel, une rafale de contemplation, un chant qui embellit les abîmes, une clarté qui nous engendre. Naufragés, méprisés par la terre, tu es tout cela et quelque chose de plus. Au-dessus des peines qui fortifient et des douleurs que chaque être incarne, le plus grand triomphe, toi et moi. Le monde est quelque chose de plus. Comment aimer un seul si 10 000? Le chanta Bukowski en passant te ferait brûler davantage. C'est vil de réduire l'amour au hasard. Il existe des poètes comme Mutis, qui mesurent leur joie dans la solitude, qui disent que l'amour est un mythe, que de ne fonde pas une vérité irique. Nous, au contraire, intégrons deux en communion, intelligence et affection suprême, qui révèle Dieu à travers.